Alors, donc, Jérôme Fouère, je m'appelle. Je suis au parc depuis 2010 sur le poste de chargé de mission Natura 2000. Donc, on parle d'animateur Natura 2000, puisque dans la démarche, il y a au départ l'élaboration de documents en collaboration avec tous les acteurs du territoire, les propriétaires, etc., les élus. Et on sait qu'on est sur quelque chose d'un peu de facile, hein. Faucher une prairie ou débroussailler quelque chose ou enlever des arbustes, y compris si on ne veut pas telle espèce, on veut telle autre. Tout ça, c'est tellement court, avec des effets tellement, finalement, modestes, quoi. On a beau parler de biodiversité, de milieux ouverts et de ci, de ça, c'est la forêt qui produit le plus d'espèces sur une surface donnée. Et elle le produit d'autant plus qu'on lui laisse le temps. Et du coup, finalement, des fois, plutôt que faire plein de petites choses qui coûtent du temps, de l'énergie et tout, on se retrouve à se dire ben, il vaut mieux laisser faire la nature et très longtemps. Et puis voilà, quand on voit ces gros arbres, on se dit ben, en fait, c'est ça le rythme pour la bonne conservation de la nature. Ben là, vous avez un camp où il y a 2, 4, pour l'instant 6 hamacs. Il y en aura bientôt 8. Voilà, ben c'est un dortoir perché. Manu Aubry. C'est l'endroit où on passe l'été. Voilà. Créateur de la boîte Agro-Aventure. Plus ou moins haut, hein, ça va de... Les plus bas, ils sont à 5 mètres et le plus haut sera à une douzaine de mètres. Il fait dormir les gens sur les arbres. Et donc, ben voilà, l'idée, c'est de donner envie au plus grand nombre d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. De façon sécurisée, parce que les hamacs sont quand même super stables. Voilà, et puis ça ouvre de suite une autre perspective. Là. On est en bas, ça fait... Enfin, ça paraît pas haut comme ça, mais une fois qu'on est dans le hamac, en fait, tu connais puisque tu grimpes dans les arbres, mais dès qu'on est dans le hamac, il y a une toute autre perspective. Hein. On peut pas choisir la sylviculture. On peut pas la choisir. On peut tomber dedans parce qu'on est né dedans, c'est un truc. Et on peut pas la choisir. Monsieur Taris. Si vous avez du pognon, vous achetez autre chose que des forêts, quoi. Sylviculteur, les propriétaires forestiers. Il y a des gens, il y avait un vieux monsieur, un sylviculteur qui est décédé maintenant, qui disait que, voilà, il y en a qui ont des maîtresses, et voilà, nous, c'est la forêt. Vous voyez, je veux dire, ça coûte 6 sous, quoi. Ici, donc, nous sommes au Kaplan et je vous remercie d'être là. Eric Castex. Pour moi, très agréable forestier de voir des personnes atypique. Qui s'intéressent à la nature. Moi, je m'intéresse en fait à la nature, l'arbre, mais au-delà de tout ça, c'est le vivant, quoi. Parce que pour le commun des mortels, la terre, le sol, ça commence à la strate supérieure, quoi. Alors qu'en fait, tout commence dessous. Et pourquoi ma forêt est comme ça? C'est parce que je m'occupe avant tout à ce qu'il y a dessous, parce que c'est vraiment là qu'il y a la vie au départ, et c'est cette vie qui fait qu'il y a de la vie après au-dessus. Et si on gâte cette vie, il n'y a plus de vie, et on fabrique des déserts. Voilà, de l'eau, le bruit de l'eau qui apaise, enfin voilà. Tout ça fait que les gens, quand ils viennent ici... En fait, c'est un moment de... ça peut même être du recueillement, pourquoi pas, parce que les gens, aujourd'hui, ils reviennent ici, d'ailleurs. Laurent Desgraves. Se recueillir à plusieurs reprises, j'ai vu des gens jeter, en fait, des cendres de défunts dans la rivière, comme le symbole de la rivière aussi, comme étant un lieu de commémoration des morts, etc. Enfin, c'est... Technicien des rivières dans la vallée de la Lair. La mort, la vie, enfin voilà, la rivière, c'est une symbolique aussi assez forte, quoi. Du lien qu'ont toujours eu les peuples avec les rivières, quoi. Hein. Aussi, hein. Vis-à-vis des défunts. Et donc là, aujourd'hui, j'ai du coup, des cérémonies qui se font comme ça, sur la rivière, hein, où les cendres sont jetées à la rivière. Voilà. Donc, voilà, il y a des gens qui ont des liens comme ça, enfin, voilà, naturellement, qui viennent vers ces espaces-là. Hein. Voilà, ma voix change tout d'un coup. J'ai une voix caverneuse. Mais on dirait qu'on parle dans un tambour, en fait. Tu peux te présenter là, comme ça? Ah oui, je m'appelle Christophe. Je suis sculpteur. Et je travaille avec des arbres. Alors moi, j'étais forestier avant, pour gagner ma croûte. Avant de, comment dire, tout en, après les beaux-arts, pour gagner des sous, et ben j'étais forestier, je travaillais dans les bois. mais des bûcherons, des bardeurs, tout ça. Et vous en voulez d'autres, miel ou pas? Non, ça va. Ferme pour les mouches. Et donc c'est comme ça que j'ai connu un peu la forêt, quoi, par le côté professionnel. Et j'ai fait mon travail aussi autour de mon travail de sculpture. En même temps, j'ai développé autour de la forêt. Donc c'est ça qui, c'est pour ça que j'ai un rapport assez assez étroit quand même avec la forêt. Ben, je regarde la différence. Mes copains qui ont fait les beaux-arts avec moi, qui sont restés en ville, et moi, tu vois, on n'a pas du tout la même pratique. Et je m'aperçois aussi que ceux qui sont en ville, j'ai des amis sculpteurs qui sont en ville, qui font de la sculpture. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme bois? Ils trouvent, c'est assez pauvre. Alors moi, j'ai la chance, si tu veux. Des fois, je prends mon tracteur, là, je vais au fond, tu sais, où j'ai un petit bout de terrain, et puis je trouve un arbre, je le coupe, et puis je fais mon truc. Et je me sens un peu comme le... Tu vois, on voit ces trucs où tu as les Indiens qui vont en forêt, qui trouvent un arbre, qui le coupent exactement pour faire ça. Et c'est bien d'avoir cette matière, là. Donc je pense, oui, c'est sûr que ça me... Puis après, ce que j'ai acquis en étant forestier, c'est... Enfin, pour parler un peu vulgairement, si tu veux, on me demandait de rentrer des milliers de tonnes de bois par mois, quoi. Tu vois, je devais faire couper... En milliers de tonnes, quoi, tu vois, donc ça me fait pas peur, tu vois, il y a des trucs, bon, il faut tant de bois. Donc... L'année dernière, cette année, 12 hectares fois 1200, le nouveau plan certifié permet aux arbres de pousser très vite. Mais dis-moi, de mauvaise qualité, puisque pour que le bois général soit de bonne qualité, il faut que les fibres soient serrées. Et là, il est costaud. Nous, on fait du bois actuellement où vous avez des fibres larges. Ça pousse, donc c'est du bois, ça sera du bois tendre, qui n'aura pas vocation de faire du parquet ou du lambris ou des meubles, mais plutôt des palettes à la limite, du bois de papeterie, du papier craft, mais c'est tout. Et après, maintenant, la doctrine, c'est 30-40 ans. 40 ans, on coupe et on recommence. Quand j'aurai 100 ans. Lors de la tempête, il y a eu une grande tempête, là, vous avez dû en parler cette semaine, vous avez dû entendre parler de cet ouragan. La forêt, elle a été décimée à 80%. Donc il n'y avait plus d'arbres. Et puis, il y a un schéma sylvicole dans les Landes qui préconisait, qui était de tout détruire. Et puis, avec des grosses machines, on passait comme ça a été fait en face, comme ça a été fait un peu partout, comme vous avez vu, quoi. On détruit tout le sol, et puis on achète des petits pins, et puis on les plante. Mais moi, j'ai pas du tout choisi ce schéma-là, cet itinéraire-là. Je me suis dit, la nature, elle est assez forte, et elle sait se régénérer. Dans le sol, il y a une bibliothèque de graines qui ne demande qu'à sortir, qu'à lever la dormance. Mais je vais plutôt travailler là-dessus et essayer de provoquer cette régénération. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu besoin de la provoquer, elle s'est provoquée toute seule. Donc, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est post-tempête 2009, quoi. Ça a une dizaine d'années. Je pense que la tenue... Moi, après la tempête, j'ai été pas mal marqué, comme les forestiers sur le territoire, sur le... Voilà, ce château de cartes écroulé. On perdait nos repères, on était un peu perdu, quoi. Vraiment, on n'en savait plus. Et donc, du coup, la question des racines, la question des repères, la question de... On était directement liés à ce qu'est l'arbre, quoi. Parce que lui, il a justement cette racine pour tenir. Et du coup, c'est extrêmement dur. Et maintenant, je le vis beaucoup mieux, dans le sens où, finalement, la nature a horreur du vide, et du coup les arbres sont de nouveau là sur les berges. Finalement, quand on est là, on se dit mais n'y a pas eu de tempête, ça va bien, quoi. Finalement, une fois la rivière un peu dégagée, un peu nettoyée, on oublie cette tempête, on oublie du coup ce traumatisme. Et je pense que du coup, en ce sens, voilà, les arbres, du coup, nous aident du coup à repartir, à se rassurer sur le fait que justement, on est encore là, on tient, voilà, tout n'est pas à terre, tout n'est pas, ça se refait, la vie est un perpétuel changement, perpétuel renouvellement, c'est ce qu'on se dit aussi nous en tant qu'humains. Donc il y a forcément un lien très fort entre les arbres et nous, quoi, c'est sûr. Voilà. Ils étaient là avant nous, puisque le végétal était là avant l'animal, hein, donc ça aurait été les premiers êtres vivants après les bactéries. Ça a été les végétaux hein, à s'installer. Et que surtout, voilà, qu'après nous, si nous, voilà, on n'est pas voilà, éternel, et puis que voilà, qu'ils soient encore là après. Quoi. Une minorité de stades évolués, donc on va parler de jeunes boisements, de boisements en pleine croissance, puis de boisements matures, puis de boisements sénescents. Donc voilà, la retraite est jusqu'au bout, après, y compris pas à l'échelle que de l'arbre, mais y compris de la forêt, on va plutôt avoir tellement de gros arbres qui vont plutôt à un moment dépérir, et la suite logique des choses, qui se fait quand même placette par placette, hein, par les différents arbres qui vont progressivement tomber, donc en fait c'est très irrégulier, mais on aura globalement des vieux arbres qui vont laisser la place à la nouvelle génération. Pour un chêne, si on remonte à 60 ou 80 ans, c'est rien, c'est très jeune encore. À l'échelle de l'arbre, et donc à l'échelle de la forêt, on sait aussi que les choses se mettent en place très doucement, très progressivement, que du coup ces vieilles forêts, si on n'y prend pas garde, on prend le risque, peut-être voilà, par des coups pour faire du bois de feu, là, comme on voit, etc. On prend le risque de revenir encore sur des phases initiales, et du coup on perd tout ce qui n'arrive que dans le temps en forêt. Une forêt, en général, on dit que ça met un peu 400 ans à s'installer. 400 ans, c'est pas l'arbre qui doit avoir 400 ans, c'est la continuité de l'état boisé et puis toute cette diversité et irrégularisation qu'il va y avoir, parce qu'à un moment donné, il y a un arbre qui va dépérir, donc il faut les aléas du temps pour ça. Des blessures, la foudre, des champignons, des saisons trop humides, des fois des saisons trop sèches, enfin tous ces aléas, et puis l'aléa de l'individu qui va voilà, être malade, pas malade, qui va être en pleine santé. C'est venu comme ça. Donc à la base, je ne suis pas forcément un passionné des arbres. Enfin, passionné des arbres, tu le deviens par la force des choses, mais je ne suis pas un spécialiste en fait. J'ai des amis grimpeurs qui sont hyper spécialistes, qui connaissent la physiologie. Moi, c'est plus au niveau des sensations que de l'aspect technique en fait. Voilà. Pas de. Beaucoup de gens me sont étonnés parce que c'est moi qui ai tout fait, qui ai tout construit en fait, les cabanes, tout. Et tu le fais au fur et à mesure, quoi. Pour les gens, ça, ils se représentent la somme de travail, ils se disent c'est incroyable, en fait c'est une grosse. Mais non, tu viens, une heure, tu fais ton truc, tu repars, puis tu le fais comme ça tranquillement, tu construis au fur et à mesure, quoi, tu vois. Donc il y a la notion de temps, l'échelle de temps, je crois qu'elle disparaît là, dans la forêt. Et donc au début j'ai développé l'activité dans ce sens-là, et puis rapidement derrière le fait de proposer des bivouacs, ben, ça ouvre des perspectives que même moi j'imaginais pas. Passer une nuit dehors, très peu de gens passent une nuit dehors en fait. Moi je m'aperçois encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont 40-50 ans qui n'ont jamais dormi dehors de leur vie, quoi. Donc pour eux c'est une découverte qui est... Donc nous, ça nous paraît anodin, on en parle des fois avec Seb. Moi, je passe entre 60 et 80 nuits par an dehors. Et pour moi, c'est complètement anodin, quoi, entre guillemets. Mais pour des gens, il y a des gens qui n'ont jamais dormi avec la tête fixée vers les étoiles, quoi. Donc il y a cette approche-là qui a fait que ben, le fait de proposer aux gens de pouvoir grimper dans les arbres et d'y dormir, déjà, ça a ouvert des perspectives pour eux et pour moi, parce que derrière, ben, tu te dis, ben ouais, il y a des choses quand même à travailler là-dessus, quoi. Travailler sur l'environnement, le silence, qui est quand même qui est rare en forêt, mais voilà, il y a une sorte d'apaisement qui est quand même chouette, quoi, sympa. Donc voilà, aujourd'hui c'est rentré complètement dans mon quotidien, mais je pourrais pas expliquer pourquoi. Je pense que c'est une sorte d'attirance. Et puis, Alors je suis admiratif des vieux arbres par contre. Voilà, et c'est un respect. Et c'est là que j'ai du mal. J'ai du mal parce que voilà, il y a deux théories qu'on s'est foutu dans la tête pour se donner bonne conscience. Un vieil arbre, ça se respecte. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu des tas de choses que nous verrons pas, que nous n'avons pas forcément vues, que nous ne verrons jamais quand vous avez des chiens avec 200 ans, 300 ans. Merde, quand même. D'accord ? Mais quand vous avez du père maritime, alors là, je parle de civiculture, vous avez du père maritime qui a 60 ans, 70 ans. Donc que vous le foutez par terre. Donc vous le foutez par terre parce que vous allez en remettre d'autres. Et que vous avez. Ça fait partie de notre métier. Quand même, quand vous le faites tomber. Même si vous ramassez du pognon, et bien ça fait pas bien. Quand je raconte des trucs, ils disent ouais, tu parles, je vous garantis que ça me gêne. Je le fais, bien sûr, ça me gêne. Et c'est pas facile, quoi. Là, c'est la grande. En fait, cet arbre, c'est un arbre où je venais. Quand j'étais gamin, là, je venais dans la fourche, je rêvais, et puis il est mort un jour. Donc je l'ai coupé, je l'ai récupéré, je l'ai taillé comme ça, un peu brut. Puis je sais pas, à un moment donné, c'est sorti cet ours là, qui restait avec ce nez, truc comme ça. Et je l'ai laissé comme ça. Là, c'est des troncs qui attendent que je vais travailler. C'est très volumineux, en fait. Eh ouais. La sculpture... En fait, c'est comment dire, il y a un rapport au corps qui est vachement important à mon avis. Il faut pouvoir s'y mesurer. Le rapport au corps est très très important. Sinon, c'est un petit truc, c'est un objet, mais une sculpture, il faut vraiment qu'il y ait un rapport au corps, quoi, qui est frontal, qu'on puisse y rentrer. Quoi, il y a un côté comme ça, boum. Mais et la sculpture, en fait, j'avais remarqué ça. Il me dit, mais la sculpture, ça marche à partir de 3 mètres. Parce que quand c'est petit, bon, t'as un plaisir à tenir une poupée, tu vois, quand t'es gamin, oh, c'est mignon. Ça. Toi, tu as un plaisir de posséder un truc, un côté fétiche comme ça. Mais quand, à partir de 3 mètres, quand tu l'as devant, tu vois, comme l'ours, tu dis, ouais, là. Et j'imagine les hommes premiers, quoi, tu vois, au début, quand ils redressaient une pierre, ça devait être vachement impressionnant pour eux, tu vois, au cours d'une cérémonie, d'une fête, tous ensemble, ils se mettaient à une dizaine, une vingtaine, ils redressaient une pierre, tu vois, la pierre dressée. Une fois qu'il avait dressé, il devait avoir un côté. Ouais. C'était une sorte d'affirmation de la puissance d'un groupe, quoi, tu vois, rien que ça. On arrive à redresser une pierre, et cette pierre, par le fait qu'elle est redressée, tout d'un coup, elle a une forme et une puissance en soi. Je trouve ça beau. Enfin, Et j'aime bien retrouver ces gestes et ces émotions. C'est un angélime. C'est un arbre qui fait entre 60 et 70 mètres. T'arrives en haut, bon déjà il te faut une heure pour y grimper. Parce qu'il fait 40 degrés, il fait 80 degrés d'humidité, enfin 80% d'humidité, c'est physiquement c'est dur. Et t'arrives en haut, t'as des haras qui passent, des toucans, t'as des orchidées partout. Et là tu te poses et tu restes pendant 4 heures sans bouger. tu regardes juste ce qui se passe, quoi. Ouais, ça c'était terrible. Ouais, ça c'était. T'as dormi là ? J'ai dormi, ouais. Ouais. J'ai dormi trois nuits. J'étais avec un guide là-bas. Et ouais, là, c'est magique, quoi. Ouais, là, c'est. Là, on entend les abeilles. C'est les abeilles ? Ouais. Je les cherche, je me sens dans les chênes en ce moment. Ça, c'est les arbres qui sont tombés de la tempête de 2009. Moi, j'ai fait le choix de ne pas les enlever. Parce que ces arbres, ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt à la fois pour la biodiversité, pour la maintenir en place, mais cette biodiversité, pour ma production forestière, elle est géniale, parce que grâce à la vie du sol, à tous les micro-organismes, à la microfaune qui dégrade ce bois, ben, eux, ils sont là, et puis il y a des prédateurs à eux qui viennent se nourrir, et puis il y a d'autres prédateurs du prédateur qui viennent se nourrir, et donc toute cette vie crée un équilibre d'un forestier et la forêt est en pleine santé. Et aussi pour fabriquer du sol, puisque nous ici dans les Landes, quoi, notre sable c'est peu, quoi. Et donc si on enlève tout notre réservoir de matière minérale et organique au fur et à mesure de nos exploitations, et bien il n'y a plus qu'en faisant de l'engrais, qu'en mettant de l'engrais, des gros travaux et des pins sortant de la pépinière que l'on va faire pousser des arbres. Or la nature le fait depuis la nuit des temps, quoi. Oui, à l'entrée, voilà, ouais, qui est très beau et qui a des trous partout. Et là-bas, on en a un aussi, un chêne qui est qui est dépérissant, voire peut-être mort, et qui va devenir aussi un gîte formidable. Et d'autres chênes à côté qui sont en pleine santé. Donc après, voilà, il y a toujours un renouvellement perpétuel. La nature fait bien les choses aussi. Hein. Les arbres meurent, sont remplacés par d'autres. Là, c'est un châtaignier qu'on voit qui est en train de prendre la place du chêne, puisque du coup, lui, il est mort. Donc, hop, puits de lumière, et hop, c'est le chêne qui est en train de prendre la place. Là. Mais quand même, c'est du bois qui a eu une vie, qui a vécu ce bois. Il a eu une vie, ils ont 100 ans, ces pins. Ils ont eu une vie. Maintenant, ils ont des champignons, je ne sais pas si vous inventez. Là, ça veut dire qu'ils sont en train de mourir de vieillesse intérieurement. C'est-à-dire qu'ils se détériorent et détériorent. Ils vont finir couchés comme vous en avez vu quelques-uns. C'est triste. C'est triste pour un arbre de finir comme ça. Mettons-nous à sa place, pour nous. Est-ce qu'on ne trouverait pas ça triste de finir comme ça pour nous? Voilà. Il y a des champignons qui servent à ça, à la pourriture blanche, à la pourriture rouge. Il y en a qui sont les saprotrophes, donc ceux qui se nourrissent de matière morte et qui permettent de dégrader la matière. Donc quand un arbre voilà, tombe à terre, les champignons vont faire leur œuvre, en plus des insectes, etc. Et puis il y a ceux qui font des mycorhizes et qui aident plutôt en symbiose avec l'arbre à vivre. Donc lui il profite de l'arbre, mais l'arbre surtout profite du champignon. Là, comme ça, au mètre carré de sol, du mycélium, donc des filaments à peine visibles, et qui vont finalement se rejoindre les uns les autres, la notion d'individu d'arbre s'efface. Comme le mycélium aide l'arbre à vivre, mais que le mycélium ne s'arrête pas à l'arbre, puisqu'il communique et enchaîne avec un autre, du coup, comment on fait une distinction juste par le bois de l'individu, alors que dessous, puisque c'est quand même une grosse partie de l'arbre, le système racinaire, et c'est donc toujours lui, bah du coup, y a un martin pêcheur qui va passer. Hop, il est passé un peu vite. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est lui qu'on entend. Je lisais un livre de Tim Ingold. Tim Ingold, c'est un anthropologue anglais. Et alors, il disait que ce qu'il a remarqué dans les champignons, c'est comme un être qu'on aurait renversé, un être à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un être où tous les organes seraient dispersés un peu partout dans la nature, par ses mycéliums, par ses trucs. Et il disait que finalement, il n'y a pas que lui qui dit ça, mais que l'invention de l'homme moderne, enfin du rapport à la nature, tout ça, ça a été inventé au 18e par Descartes, quoi, qui a séparé l'homme de la nature. C'est-à-dire qu'on dit, il y a l'homme, il y a la nature, il y a ce... Tu vois, on a fait cette distinction, et maintenant on vit dedans. Et lui dit un truc très intéressant, il dit que finalement, il dit que la limite du corps ne s'arrête pas à la peau. Que par exemple, dans l'exemple du champignon, tu vois le champignon, tu crois que c'est ça le champignon, mais en fait, le champignon, c'est tous les fils qu'il y a, tous les rhizomes qui passent dans les racines et qui vont plus loin, enfin, c'est un être diffus. Et je pense que les êtres, c'est la même chose, si tu veux, que j'en arrive à penser que nous, si tu veux, moi, quand je fais mes sculptures, et en plus, avec les masques, ça marche bien, c'est que tu es homme, mais en même temps, quand tu mets un masque en bois, c'est comme si tu prends l'aspect d'un animal par le masque, mais aussi par le bois, tu rentres dans le bois, par la poudre de pierre, enfin c'est de la pierre, le talc et tout ça que je mets dessus, les terres, tu vois, comme si je me rediffusais dans l'environnement. Mais j'ai rencontré Francis Allais il y a quelques années, qui est un botaniste qui est vraiment au fait de ces questions-là, qui lui avait découvert que les arbres pouvaient communiquer par l'air, le fameux VOC, en fait, les molécules qui... c'est l'un des premiers qui a recensé pourquoi on appelait la rainforest, le fait qu'un arbre pouvait lui-même générer un nuage au-dessus de lui pour créer de la pluie. Et puis oui, actuellement il y a tout un tas d'écrits, de documentaires qui se font là-dessus. Je pense que ça communique, c'est certain. C'est certain. Mais quand même, il y a à faire, quand vous avez des gens qu'on peut prendre pour fada ou pas, à mon avis non, mais qui enlacent les arbres pour des sensations particulières, et physique qu'ils ressentent, c'est quand même quelque chose. Même si c'est quelque chose d'intellectuel qui va être transmis par quelqu'un de plus intelligent que nous, ou que moi, mais c'est quand même bien. C'est qu'ils ont une reconnaissance de l'arbre. Ça, ça existe. Quand je vois une forêt, je vois quoi ? Ben, je vois... Je vois rien, en fait. Je ressens. Et... Oui, je me ressens. Je me sens bien ou je me sens pas bien, mais c'est l'ambiance que génère la forêt qui me... que je reçois et qui me... qui me parle. Et un mec, il n'y a pas longtemps, il m'a appris à se mettre, tu sais, contre l'arbre. Vous avez fait déjà ? Il y a une technique comme ça, tu touches l'arbre et tu essayes de fermer les yeux et puis tu laisses l'arbre te parler. J'ai essayé, je ne sais pas si ça marche trop avec moi. Je ne sais pas si je suis trop réceptif. Et puis sinon, après j'ai des enfants et je les fais toucher l'arbre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication, mais je pense qu'un arbre, c'est d'abord, voilà, ça se touche. Je sais pas, je vais pas y mettre forcément des mots derrière, mais il y a toujours un peu ce côté de ah ouais, quand même. Très beau. T'as pris la tronçonneuse, Baptiste? Ouais. On va couper. Là, maintenant, on va faire un peu de bruit, parce que ce calme, ça me stresse. Non, je casse tout ce que je viens de dire. deux secondes. Non. Ça s'appelle la succise des prés. Ce papillon, il s'appelle le damier de la succise. Lui, il vient pondre dans cette plante. Une partie de ses œufs se nourrissent de la plante pendant leur premier stade d'évolution. Lorsqu'ils ont fini de manger la plante, ce sont les fourmis qui viennent chercher la chenille, qui l'amènent dans la fourmilière et qui la nourrissent. Bon, c'est pas gratuit, hein, le repas, hein, et le logement. Et les fourmis, elles récupèrent ces excréments et elles s'en servent pour alimenter une partie de la fourmilière. Et puis quand le troc est terminé, eh bien, la chenille elle s'en va et puis elle va faire sa chrysalide ailleurs. C'est l'infiniment... Ouais, tout n'est qu'un, hein, tout n'est qu'un. Et en fait, ça m'apprend que ben, dans ce système-là, et même à l'échelle d'un arbre, il y a encore tout à faire. Il n'y a pas besoin d'aller courir dans d'autres régions pour surprendre, pour découvrir. Et c'est un peu voilà, ce qui fait que, même d'un point de vue naturaliste, il y en a qui ont la bougeotte. Et moi, j'ai l'impression que juste en partant de chez moi, là, pour pas dire dans le jardin, mais juste en bas de chez moi à l'allée, il y a encore tout à faire, tout à découvrir. Et découvrir, c'est pas de nommer, c'est même après essayer de comprendre qui, quoi, comment, en fait. Et voilà, c'est les arbres finalement et la forêt permettent ça, mais au plus haut niveau de la diversité et de la complexité, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que le mineur utilisait ce pin maritime parce que c'est un bois qui a la propriété de faire du bruit avant de se rompre. Donc ça prévenait les mineurs que la galerie risquait de s'effondrer. C'est extraordinaire cette histoire. Et là, il y a des logiciels pour ça. Attends, j'ai entendu l'autre jour, là, j'ai rigolé, pendant la Coupe du Monde en 98, il y a un des joueurs qui partait dans la forêt. Avant les matchs, il partait, il était incapable d'expliquer pourquoi. Mais il disait, je touchais les arbres. Voilà. Pourtant, ils sont dans un milieu qui est complètement... très fait à faire, hein, qui est pour le coup vraiment pas ouvert vers la nature, mais lui il ressentait ce besoin là je trouvais que c'était voilà, c'est le meilleur message qu'on puisse transmettre, quoi. Et tu t'aperçois qu'en fait que tous ces gens, ou les écologistes, ou les gens qui coupent les déforesteurs, c'est des gens pour qui ils ont décrété que la nature c'était quelque chose, et puis les uns ils regardent un côté de la pièce qui dit la nature enfin, la nature est belle, il faut pas la toucher. Et les autres, ils regardent de l'autre côté, ils disent, mais non, la nature est au service de l'homme, au contraire, c'est l'homme qui dans l'entretien. Mais tous ces gens, et les uns et les autres, c'est-à-dire les écologistes purs et durs, ou les exploiteurs purs et durs, ils sont tous dans le même rapport dualiste à la nature. Ils disent, la nature, elle fait pas partie de toi. Et moi, en lisant Bruno Latour et Ingold, il dit ça, il dit au contraire que la nature, c'est une invention du 18e. Donc, c'est beaucoup mieux de dire la nature n'existe pas. C'est une invention. Donc, si tu dis que c'est une invention, autant dire elle n'existe pas. Et quand tu pars de là, ça va mieux. Et c'est ce que j'ai appris en Asie. On te dit la nature n'existe pas parce que c'est une invention de l'Occident au 18e. Donc, dès que tu as dit que ça n'existe plus, ben voilà, mais tu vois, t'as un rapport complètement. Ça n'existe pas, donc je le réinvente, je le construis avec. Bon, voilà. Mais je pense que c'est assez vrai ce que je te dis.